Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Robert Ladd. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017. On a parlé à Éric Bégin la semaine dernière du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a également parlé avec Max Lamarche, le directeur général de Baseball Québec. Il y a des belles évolutions qui se font actuellement au baseball au Québec et également au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais dans notre coin de pays, il y a un gars qui travaille fort. En tout cas, qui travaille très fort depuis qu'il y a au moins 2-3 ans pour faire renaître le baseball. C'est François Potvin, un très bon bénévole de Normandin. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je sais qu'ils ont joué quelques matchs hors concours encore. Et on va lui parler de comment ça va. Salut François! François, effectivement, j'ai parlé avec Max Lamarche de Baseball Québec. J'ai parlé à Éric Bégin de Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Et ça progresse. Puis est-ce que dans ton coin, ça progresse aussi? Oui. On voit une évolution. On en est là à notre cinquième année de baseball à Normandin. Puis je veux dire, cette année, on a atteint un record de joueurs. Là, on parle d'au-dessus d'une trentaine de joueurs. Là. OK. Puis c'est sans compter, c'est juste Normandin, c'est pas les secteurs Albanel, c'est pas le secteur également Saint-Thomas, c'est juste Normandin. Normandin, on a quelques joueurs de Saint-Thomas, puis cette année, on a récupéré aussi quelques joueurs de Dolbeau-Mistassini là, qui sont joués avec nous. OK. On parle à peu près 5 à 6 joueurs. Puis est-ce que tu sens vraiment une évolution, est-ce que ça grandit, le travail que tu as fait au cours des 5 dernières années, ça commence à rapporter? Oui, c'est quand même relatif, tout est relatif quand même. Là, on a toujours l'éloignement puis l'effet population qui fait que tout est tout le temps plus dur. Mais juste un exemple, je vais donner un exemple. J'ai 3 joueurs qui ont commencé là, la première année avec nous dans le programme, qui sont rendus cette année entraîneurs des plus jeunes. OK. On commence à tourner la roue, si on veut. Ça, c'est quand même c'est des choses qui sont le fun à voir parce que les autres, ils sont là depuis le début, ils ont toujours joué. Puis là, ils sont rendus entraîneurs avec les plus jeunes. Ça a super bien été, il y a une belle saison avec eux autres. Fait que ça, c'est le fun de pouvoir passer le flambeau aussi, là, puis de pouvoir faire continuer la chose. Là. Parce que c'est souvent le gros problème qu'on a dans notre coin, c'est que ça tient souvent sur une, deux, trois personnes. Quand ces personnes-là arrêtent ou quittent, ben, tout s'effondre. Fait que au-delà de ça, je veux vraiment construire quelque chose qui va durer. Là. OK, OK. Ça sera pas l'histoire d'une seule personne. Puis là, tu fais une petite... C'est pas facile. Ah non, c'est vraiment pas facile de faire renaître quelque chose. Puis là, tu fais une petite ligue. Tu veux partir une petite ligue, je crois. On essaye toujours. Ce qui est notre grosse faiblesse, si on veut, là, malgré tout, on se fait une faiblesse, mais c'est vraiment une, là, mais par rapport aux ligues organisées, c'est notre nombre de joueurs. T'sais, on parle d'une trentaine de joueurs, mais c'est réparti de peut-être 5 à 14 ans. Là. Fait que, tu sais, si on y va avec les catégories d'âge, des réseaux structurés, on n'a pas une équipe dans chaque catégorie, on n'a même pas une équipe dans une catégorie. Là. Okay. C'est ça qui est dur un peu. Fait que là, présentement, on a joué avec Saint-Vicien et Albanel aux alentours, qui ont un peu la même structure que nous. Sauf que souvent, là, tout dépendant des années, là, on peut se ramasser là, avec des équipes qui sont plus ou moins déséquilibrées là, par rapport aux âges qui sont présents dans les équipes. C'est comme cette année, j'avais des joueurs, un petit peu de joueurs plus vieux. Mm. C'est dur de leur dire, gars, nous, on va jouer à Albanel, mais toi, t'es trop vieux, tu joues pas, tu sais. Ouais. C'est pas évident. Mm. C'est pas évident non plus de leur dire, gars, toi, tu vas au bâton, mais frappe pas trop fort non plus. Ouais, c'est ça sûr. Fait partie de la game. C'est sûr. On essaie de motiver. On essaie de motiver les jeunes puis de les garder intéressés. Je pense qu'on a quand même bien réussi encore cette année, là. Puis là, il n'y a pas de structure en face. Chaque municipalité là, s'organise un peu, on n'a rien. Là. On a eu des approches là, l'année dernière avec Petite Ligue Canada. Okay. On regarde toujours un peu de ce qui se passe, mais c'est vraiment là, pour être capable de pouvoir rejoindre là, les réseaux structurés comme Baseball Québec, il faudrait en venir à faire une équipe, mettons, dans le haut du lac, là, aller chercher des joueurs là, de Dolbeau-Mistassini, quasiment jusqu'à Robert-Val. OK, c'est sûr. Avoir une équipe qui serait dans une catégorie d'âge précise. OK. Puis là, est-ce que ce serait possible? Est-ce que tu vois, est-ce que tu as eu des discussions, je ne sais pas moi, avec Dolbeau? Puis je sais qu'à Dolbeau, on a tenté de repartir ça également. Ça semble pas facile, ça me manque un petit... Mais est-ce que tout ce beau monde-là, c'est assis à une table ou vraiment c'est... Non? on n'en parle pas énormément. Non, c'est un peu la... Chacun fait ses choses de son côté. C'est dommage, ce qui est dommage un peu. Oui, effectivement, mais moi, j'ai confiance parce que je le vois, l'évolution, là, comme je disais tantôt, là, c'est, on est à la cinquième année. L'intérêt des joueurs est là, là. Cette année, là, j'ai des joueurs qui veulent jouer au baseball, qui suivent le baseball, qui connaissent le baseball. C'est quand même une modalité qu'on était plus ou moins habitués là, ici, dans le, dans le haut du lac. Les joueurs veulent jouer, là. Moi, je commence à croire, puis l'intérêt est là, l'engouement est là. Je voyais les chiffres de Baseball Québec là, qui parlaient d'augmentation. On n'a pas le choix, on va suivre la vague aussi. Là. Ouais. Moi, j'ai confiance là, qu'à un moment donné, quand les joueurs vont être là, là ils sont là. C'est encore peut-être une année ou deux, là, puis moi, je suis convaincu qu'on va être capable là, de peut-être joindre le réseau avec une équipe. Comme je disais tantôt, il faut prévoir que ça va être des équipes là, de plusieurs municipalités parce qu'on ne réussira pas avec... À chaque municipalité, se faire une équipe là, avec la bonne structure d'âge. Là. Est-ce que tu as parlé à Éric Bégin au cours des derniers jours pour essayer d'avoir une discussion, pour essayer d'entamer quelque chose? Pas encore. Je veux terminer ma saison. Okay. Faire le point là-dessus, sonder un peu les parents aussi, voir là, c'est quoi l'intérêt. Parce que une autre chose aussi qu'on entend, puis c'est tout à fait normal, le baseball, les parents viennent de sortir d'une saison de hockey. Ouais. On est une région de hockey, ils viennent de sortir d'une grosse saison de hockey. Se rembarquer à se déplacer pour le baseball, c'est pas tout le temps évident. C'est de voir. C'est sûr que si les jeunes veulent le faire, c'est certain que les parents vont suivre, ça c'est certain. C'est ça que je veux sonder aussi là, avec les parents. On a eu des matchs de baseball, là, autant à Saint-Lucien, Normandin qu'Albanel, où que les parents en sont pas venus du spectacle qu'ils ont eu. Honnêtement, là, c'était des très bons matchs de baseball. Le baseball, c'est rapide. C'est malgré tout, là, c'est un beau sport à regarder. Ça fit bien avec l'été. Les parents ont fait le tour. Autant l'intérêt des joueurs cette année, les parents aussi commencent à être de plus en plus intéressés. Ils veulent voir des matchs qu'on a joué à peu près 6 matchs. Ah, il en aurait pris, les parents, les spectateurs en auraient pris d'autres. Si on remonte le niveau, si on offre un niveau de jeu intéressant, les parents vont vouloir se déplacer, ça, je suis certain. Ben, effectivement. Donc, on va est-ce que t'as du bon soutien de la part de la municipalité de Normandin? Je sais que t'es chevet municipal. Donc, quelque part, tu dois avoir une oreille attentive du maire et du conseil des loisirs de Normandin. Même avant, avant que je peux conseiller, là, on avait commencé le baseball, puis ça a toujours été, là, le partenariat est là, sans problème, là. Puis en plus, les résultats sont là, les jeunes s'impliquent, fait que c'est quand même... quand même facile à convaincre. Ouais, okay. Donc, on a un très bon soutien. Bon. François, félicitations pour ton travail. C'est pas facile. Ça prend des bons bénévoles qui croient puis qui sont des passionnés de baseball. Puis tu l'es, je pense. Je te vois sur mes sociaux. Tu l'es autant que moi. Fait que bravo, puis on s'en reparle. Excellent. François Potvin qui s'occupe du baseball à Normandie.